Chapitre 2. Quand Perrine revint prendre sa place auprès de son âne, il s'était enfoncé le nez dans la voiture de foin et il mangeait tranquillement comme s'il avait été devant un râtelier. « Vous le laissez manger ? » s'écria-t-elle. « Hein, je vous crois. Et si le charretier se fâche ? Hein, faudrait pas avec moi. » Il se mit en posture d'invectiver un adversaire, les poings sur les hanches, la tête renversée. « Oh, hé, croquant !» Mais son concours ne fut pas nécessaire pour défendre Palicard. C'était au tour de la voiture de foin d'être sondée à coups de lance par les employés de l'octroi, et elle allait passer la barrière. « Maintenant, ça va être à vous. Je vous quitte. Au revoir, mademoiselle. Si vous voulez jamais avoir de mes nouvelles, demandez gras double. Tout le monde vous répondra. » Les employés qui gardent les barrières de Paris sont habitués à voir bien des choses bizarres. Cependant, celui qui monta dans la voiture photographique eut un mouvement de surprise en trouvant cette jeune femme couchée et surtout en jetant les yeux çà et là d'un rapide coup d'œil qui ne rencontrait partout que la misère. « Vous n'avez rien à déclarer ? » demanda-t-il en continuant son examen. « Rien. Pas de vin, pas de provisions ? Rien. » Ce mot, deux fois répété, était d'une exactitude rigoureuse. En dehors du matelas, de deux chaises de paille, d'une petite table, d'un fourneau en terre, d'un appareil et de quelques ustensiles photographiques, il n'y avait rien dans cette voiture. Ni malle, ni panier, ni vêtements. « C'est bien, vous pouvez entrer. » La barrière passée, Perrine tourna tout de suite à droite comme Gradouble lui avait recommandé, conduisant Palicard par la bride. Le boulevard qu'elle suivait longeait le talus des fortifications et dans l'herbe roussie, poussiéreuse, usée par plaques, des gens étaient couchés qui dormaient sur le dos ou sur le ventre, selon qu'ils étaient plus ou moins aguerris contre le soleil, tandis que d'autres s'étiraient les bras, leur sommeil interrompu, en attendant de le reprendre. Ce qu'elle vit de la physionomie de ceux-là, de leur tête ravagée, culottée, hirsute, de leur guenille et de la façon dont ils les portaient, lui fit comprendre que cette population des fortifications ne devait pas, en effet, être très rassurante la nuit, et que les coups de couteau devaient s'échanger là facilement. Elle ne s'arrêta pas à cet examen, maintenant sans intérêt pour elle, puisqu'elle ne se trouverait pas mêlée à ces gens, et elle regarda de l'autre côté, c'est-à-dire vers Paris. « Et quoi ? Ces vilaines maisons, ces hangars, ces cours sales, ces terrains vagues où s'élevaient des tas d'immondices, c'était Paris ? Le Paris dont elle avait si souvent entendu parler par son père, dont elle rêvait depuis longtemps, et avec des imaginations enfantines d'autant plus féeriques que le chiffre des kilomètres diminuait à mesure qu'elle s'en approchait. De même, de l'autre côté du boulevard, sur les talus, vautrés dans l'herbe comme des bestiaux, ces hommes et ces femmes aux faces patibulaires étaient des Parisiens. Elle reconnut le cours de Vincennes à sa largeur, et après l'avoir dépassé, tournant à gauche, elle demanda le Champ Guillot. Si tout le monde le connaissait, tout le monde n'était pas d'accord sur le chemin à prendre pour y arriver, et elle se perdit plus d'une fois dans les noms de rues qu'elle devait suivre. À la fin, cependant, elle se trouva devant une palissade formée de planches, les unes en sapin, les unes en bois non écorcé, celle-ci peinte, celle-là goudronnée, et quand, par la barrière ouverte à deux battants, elle aperçut dans le terrain un vieil omnibus sans roues et un wagon de chemin de fer sans roues aussi, posé sur le sol, elle comprit, bien que les bicoques environnantes ne fussent guère en meilleur état, que c'était là le Champ Guillot. Eut-elle eu besoin d'une confirmation de cette impression qu'une douzaine de petits chiens tout ronds, qui boulaient dans l'herbe, la lui eût donnée. Laissant Palicard dans la rue, elle entra et aussitôt les chiens se jetèrent sur ses jambes, les mordillant avec de petits aboiements. « Qu'est-ce qu'il y a ? » cria une voix. Elle regarda d'où venait cet appel, et sur sa gauche, elle aperçut un long bâtiment qui était peut-être une maison, mais qui pouvait bien être aussi tout autre chose. Les murs étaient en carreaux de plâtre, en pavés de grès de bois, en boîtes de fer blanc, le toit en carton et en toile goudronnée, les fenêtres garnies de vitres en papier, en bois, en feuilles de zinc et même en verre, mais le tout construit et disposé avec un art naïf qui faisait penser qu'un Robinson en avait été l'architecte, avec des vendredis pour ouvriers. Sous un appentis, un homme à la barbe broussailleuse était occupé à trier des chiffons qu'il jetait dans des paniers disposés autour de lui. « N'écrasez pas mes chiens » cria-t-il. « Approchez !» Elle fit ce qu'il commandait. Qu'est-ce que vous voulez ? Demanda-t-il lorsqu'elle fut près de lui. C'est vous qui êtes le propriétaire du champ Guillot ? On le dit. Elle expliqua en quelques mots ce qu'elle voulait, tandis que, pour ne pas perdre son temps en l'écoutant, il se versait, d'un litre qu'il avait à sa portée, un verre de vin à rouge bord et l'avalait d'un trait. « C'est possible, si on paye d'avance, » dit-il en l'examinant. « Combien ? 42 sous par semaine pour la voiture, 21 sous pour l'âne. C'est bien cher. C'est mon prix. Votre prix d'été ? Mon prix d'été. Il pourra manger les chardons ? Et l'herbe aussi, s'il a les dents assez solides. Nous ne pouvons pas payer à la semaine, puisque nous ne resterons pas une semaine, mais au jour seulement. Nous passons par Paris pour aller à Amiens, et nous voulons nous reposer. Alors, ça va tout de même. 6 sous par jour pour la roulotte, 3 sous pour l'âne. Elle fouilla dans sa jupe, et un à un, elle tira 9 sous. Voilà la première journée. Tu peux dire à tes parents d'entrer. Combien sont-ils ? Si c'est une troupe, c'est 2 sous en plus par personne. Je n'ai que ma mère. Bon, mais pourquoi ta mère n'est-elle pas venue faire sa location ? Elle est malade, dans la voiture. Malade ? Ce n'est pas un hôpital ici. Elle eut peur qu'on ne voulût pas recevoir une malade. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée. Vous comprenez, nous venons de loin. Je ne demande jamais aux gens d'où ils viennent. Il étendit le bras vers un coin de son champ. Tu mettras ta roulotte là-bas, et puis tu attacheras ton âne. S'il m'écrase un chien, tu me le payeras 100 sous. Comme elle allait s'éloigner, il l'appela. Prends un verre de vin. Je vous remercie, je ne bois pas de vin. Bon, ben je vais le boire pour toi. Il se jeta dans le gosier le verre qu'il avait versé et se remit au tri de ses chiffons, autrement dit à son tricage. Aussitôt qu'elle eut installé Palicard à la place qui lui avait été assignée, ce qui ne se fit pas sans certaines secousses, malgré le soin qu'elle prenait de les éviter, elle monta dans la roulotte. « À la fin, pauvre maman, nous voilà arrivés. »« Ah, ne plus remuer, ne plus rouler, tant et tant de kilomètres. Mon Dieu, que la terre est grande !» « Maintenant que nous avons le repos, je vais te faire à dîner. Qu'est-ce que tu veux ?»« Avant tout, dit-elle ce pauvre Palicard, qui lui aussi doit être bien là. Donne-lui à manger et à boire. Soigne-le. »« Justement, je n'ai jamais vu autant de chardons. De plus, il y a un puits. Je reviens tout de suite. » En effet, elle ne tarda pas à revenir et se mit à chercher ça et là dans la voiture, d'où elle sortit le fourneau en terre, quelques morceaux de charbon et une vieille casserole. Puis elle alluma le feu avec des brindilles et le souffla, en s'agenouillant devant, à plein poumon. Quand il commença à prendre, elle remonta dans la voiture. « C'est du riz que tu veux, n'est-ce pas ?»« J'ai si peu faim. »« Aurais-tu faim pour autre chose ? J'irai chercher ce que tu voudras. Veux-tu ? » ?»« Je veux bien du riz. » Elle versa une poignée de riz dans la casserole où elle avait mis un peu d'eau, et quand l'ébullition commença, elle remua le riz avec 2 baguettes blanches dépouillées de leur écorce, ne quittant la cuisine que pour aller rapidement voir comment se trouvait Palicard et lui dire quelques mots d'encouragement, qui, à vrai dire, n'étaient pas indispensables, car il mangeait ses chardons avec une satisfaction dont ses oreilles traduisaient l'intensité. Quand le riz fut cuit à point, à peine crevé et non réduit en bouillie, comme le servent bien souvent les cuisinières parisiennes, elle le dressa sur une écuelle en une pyramide à large base et le posa dans la voiture. Déjà, elle avait été emplir une petite cruche au puits et l'avait placée auprès du lit de sa mère avec 2 verres, 2 assiettes, 2 fourchettes. Elle posa son écuelle de riz à côté et s'assit sur le plancher, les jambes repliées sous elle, sa jupe étalée. « Maintenant, dit-elle comme une petite fille qui joue à la poupée, nous allons faire la dînette. Je vais te servir. » Malgré le ton enjoué qu'elle avait pris, c'était d'un regard inquiet qu'elle examinait sa mère, assise sur son matelas, enveloppée d'un mauvais fichu de laine qui avait dû être autrefois une étoffe de prix, mais qui, maintenant, n'était plus qu'une guenille usée, décolorée. « Tu as faim, toi ? » demanda la mère. « Je crois bien, il y a longtemps. »« Pourquoi n'as-tu pas mangé un morceau de pain ?»« J'en ai mangé 2, mais j'ai encore une belle faim. » Tu vas voir si ça met un appétit de regarder manger les autres. La platée sera trop petite. » La mère avait porté une fourchette de riz à sa bouche, mais elle la tourna et retourna longuement sans pouvoir l'avaler. « Ça ne passe pas très bien, » dit-elle en réponse au regard de sa fille. « Il faut te forcer, La seconde bouchée passera mieux, la troisième mieux encore. » Mais elle n'alla pas jusque-là, et après la seconde, elle reposa sa fourchette sur son assiette. « Le cœur me tourne. Il vaut mieux ne pas persister. Oh, maman !»« Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est rien. On vit très bien sans manger, quand on n'a pas d'effort à faire. Et avec le repos, l'appétit reviendra. » Elle défit son fichu et s'allongea sur son matelas, haletante, mais si faible qu'elle fût, elle ne perdit pas la pensée de sa fille, et en la voyant les yeux gonflés de larmes, elle s'efforça de la distraire. « Ton riz est très bon, mange-le. Puisque tu travailles, tu dois te soutenir. Il faut que tu sois forte pour me soigner. Mange, ma chérie, mange. »« Oui, maman, je mange. Tu vois, je mange. » À la vérité, elle devait faire effort pour avaler. Mais peu à peu, sous l'impression des douces paroles de sa mère, sa gorge se desserra et elle se mit à manger réellement. Alors, l'écuelle de riz disparut vite, tandis que sa mère la regardait avec un tendre et triste sourire. « Tu vois qu'il faut se forcer. »« Si j'osais, maman. »« Tu peux oser. »« Je te répondrai ce que tu me dis. »« C'était cela même que je te disais. »« Mais moi, je suis malade. » »« C'est pour cela que, si tu voulais, j'irais chercher un médecin. » « Nous sommes à Paris, et à Paris, il y a de bons médecins. »« Les bons médecins ne se dérangent pas sans qu'on les paye. »« Nous le payerions. »« Avec quoi ?»« Avec notre argent. Tu dois avoir 7 francs de ta robe, et en plus un florin que nous pouvons changer ici. »« Moi j'ai 17 sous. Regarde dans ta robe. » Cette robe noire, aussi misérable que la jupe de Perrine, mais moins poudreuse, car elle avait été battue, était posée sur le matelas et servait de couverture. Sa poche explorée donna bien les 7 francs annoncés et le florin d'Autriche. « Combien cela fait-il en tout ?» demanda Perrine. « Je connais si mal l'argent français. »« Je ne le connais guère mieux que toi. » Elles firent le compte, et en estimant le florin à 2 francs, elles trouvèrent 9 francs 85 centimes. « Tu vois que nous avons plus qu'il ne faut pour le médecin ?» continua Perrine. « Il ne me guérirait pas par des paroles. Il ordonnerait des médicaments. Comment les payer ?» « J'ai mon idée. Tu penses bien que quand je marche à côté de Palicard, je ne passe pas tout mon temps à lui parler, quoiqu'il aimerait ça. Je réfléchis aussi à toi, à nous, surtout à toi, pauvre maman, depuis que tu es malade. À notre voyage, à notre arrivée à Maraucourt, est-ce que tu crois que nous pouvons nous y montrer dans notre roulotte, qui, si souvent sur notre passage a fait rire, cela nous vaudrait-il un bon accueil ?» Il est certain que même pour des parents qui n'auraient pas de fierté, cette entrée serait humiliante. Ils vont donc mieux qu'elle n'ait pas lieu, et puisque nous n'avons plus besoin de la roulotte, nous pouvons la vendre. D'ailleurs, à quoi nous sert-elle maintenant? Depuis que tu es malade, personne n'a voulu se laisser photographier par moi. Et quand même je trouverai des gens assez braves pour se fier à moi, nous n'avons plus de produits. Ce n'est pas avec ce qui nous reste d'argent que nous pouvons dépenser 3 francs pour un paquet de développement, 3 francs pour un virage d'or et d'acétate, 2 francs pour une douzaine de glaces. Il faut la vendre. Et combien la vendrons-nous? Nous la vendrons toujours quelque chose. L'objectif est en bon état, et puis il y a le matelas. Tout alors? Cela te fait de la peine? Il y a plus d'un an que nous vivons dans cette roulotte. Ton père y est mort. Cela fait que, si misérable qu'elle soit, la pensée de m'en séparer m'est douloureuse. De lui, c'est tout ce qui nous reste, et il n'est pas une seule de ces pauvres choses à laquelle son souvenir ne soit attaché. » Sa parole haletante s'arrêta tout à fait, et sur son visage décharné, des larmes coulèrent sans qu'elle pût les retenir. « Oh, maman !» s'écria Perrine, « pardonne-moi de t'avoir parlé de cela. Je n'ai rien à te pardonner, ma chérie. C'est le malheur de notre situation que nous ne puissions, ni toi ni moi, aborder certains sujets sans nous attrister réciproquement, comme c'est la fatalité de mon état, que je n'ai aucune force pour résister, pour penser, pour vouloir, plus enfant que tu ne l'es toi-même. N'est-ce pas moi qui aurais dû te parler comme tu viens de le faire, prévoir ce que tu as prévu, que nous ne pouvions pas arriver à Maraucourt dans cette roulotte, ni nous montrer dans ces guenilles, cette jupe pour toi, cette robe pour moi. Mais en même temps, il fallait prévoir cela. Il fallait aussi combiner des moyens pour trouver des ressources, et ma tête, si faible, ne m'offrait que des chimères, surtout l'attente du lendemain, comme si ce lendemain devait accomplir des miracles pour nous. Je serais guérie, nous ferions une grosse recette, les illusions des désespérés qui ne vivent plus que de leurs rêves. C'était folie. La raison a parlé par ta bouche. Je ne serai pas guérie demain. Nous ne ferons pas une grosse ni une petite recette. Il faut donc vendre la voiture et ce qu'elle contient. Mais ce n'est pas tout encore. Il faut aussi que nous nous décidions à vendre... » Il y eut une hésitation et un moment de silence pénible. « Palikare, dit Perrine, tu y avais pensé ?»« Si j'y avais pensé, mais je n'osais pas le dire. Et depuis que l'idée me tourmentait que nous serions forcés un jour ou l'autre de le vendre, je n'osais même pas le regarder, de peur qu'il ne devine que nous pouvions nous séparer de lui, au lieu de le conduire à Maraucourt, où il aurait été si heureux après tant de fatigue. Savons-nous seulement si nous-mêmes nous serons reçus à Maraucourt? Mais enfin, comme nous n'avons que cela à espérer, et que, si nous sommes repoussés, il ne nous restera plus qu'à mourir dans un fossé de la route, il faut coûte que nous allions à Maraucourt et que nous nous y présentions de façon à ne pas faire fermer les portes devant nous. Est-ce que c'est possible, cela, maman? Est-ce que le souvenir de papa ne nous protégerait pas? Lui qui était si bon, est-ce qu'on reste fâché contre les morts? Je te parle d'après les idées de ton père, auxquelles nous devons obéir. Nous vendrons donc, et la voiture et pas l'écart. Avec l'argent que nous en tirerons, nous appellerons un médecin. Qu'il me rende des forces pour quelques jours, c'est tout ce que je demande. Si elles reviennent, nous achèterons une robe décente pour toi, une pour moi, et nous prendrons le chemin de fer pour Maraucourt, si nous avons assez d'argent pour aller jusque-là. Sinon, nous irons jusqu'où nous pourrons, et nous ferons le reste du chemin à pied. Palikare est un bel âne. Le garçon qui m'a parlé à la barrière me le disait tantôt. Il est dans un cirque, il s'y connaît, et c'est parce qu'il trouvait Palikare beau qu'il m'a parlé. Nous ne savons pas la valeur des ânes à Paris, et encore moins celle que peut avoir un âne d'Orient. Enfin, nous verrons, et puisque notre partie est arrêtée, ne parlons plus de cela. C'est un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée. En effet, elle paraissait épuisée, et plus d'une fois elle avait dû faire de longues pauses pour arriver à bout de ce qu'elle voulait dire. As-tu besoin de dormir? J'ai besoin... de m'abandonner, de m'engourdir dans la tranquillité, du parti pris et l'espoir d'un lendemain. Alors je vais te laisser pour ne pas te déranger, et comme il y a encore 2 heures de jour, je vais en profiter pour laver notre linge. Est-ce que ça ne te paraîtra pas bon d'avoir demain une chemise fraîche? Ne te fatigue pas. Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée. Après avoir embrassé sa mère, elle alla de ci de là dans la roulotte vivement, légèrement, prit un paquet de linge dans un petit coffre où il était enfermé, le plaça dans une terrine, atteignit sur une planche un petit morceau de savon tout usé et sortit en portant le tout. Comme après que le riz avait été cuit, elle avait empli d'eau sa casserole, elle trouva cette eau chaude et put la verser sur son linge. Alors, s'agenouillant dans l'herbe, après avoir ôté sa veste, elle commença à savonner, à frotter, et sa lessive ne se composant en réalité que de 2 chemises, de 3 mouchoirs, de 2 paires de bas, il ne lui fallut pas 2 heures pour que tout fût lavé, rincé et étendu sur des ficelles entre la roulotte et la palissade. Pendant qu'elle travaillait, Palikare, attaché à une courte distance d'elle, l'avait plusieurs fois regardée comme pour la surveiller, mais sans rien de plus. Quand il vit qu'elle avait fini, il allongea le couvercle et poussa 5 ou 6 braiements qui étaient des appels impérieux. « Crois-tu que je t'oublie ? » dit-elle. Elle alla à lui, le changea de place, et lui apporta à boire dans sa terrine qu'elle avait soigneusement rincée, car s'il se contentait de toutes les nourritures qu'on lui donnait ou qu'il trouvait lui-même, il était au contraire très difficile pour sa boisson et n'acceptait que de l'eau pure dans des vases propres ou le bon vin qu'il aimait par-dessus tout. Mais cela fait, au lieu de le quitter, elle se mit à le flatter de la main en lui disant des paroles de tendresse comme une nourrice à son enfant, et l'âne, qui tout de suite s'était jeté sur l'herbe nouvelle, s'arrêta de manger pour poser sa tête contre l'épaule de sa petite maîtresse et se faire mieux caresser. De temps en temps, il inclinait vers elle ses longues oreilles et les relevait avec des frémissements qui disaient sa béatitude. Le silence s'était fait dans l'enclos maintenant fermé, ainsi que dans les rues désertes du quartier, et on n'entendait plus, au loin, qu'un sourd mugissement sans bruit distinct, profond, puissant, mystérieux comme celui de la mer, la respiration et la vie de Paris qui continuait active et fiévreuse malgré la nuit tombante. Alors, dans la mélancolie du soir, l'impression de ce qui venait de se dire étreignit Perrine plus fort, et appuyant sa tête à celle de son âne, elle laissa couler les larmes qui depuis si longtemps l'étouffaient tandis qu'il lui léchait les mains.